Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 1er, consubstantialité des personnes divines. Chapitre 13. Dans quel sens le Père ne doit-il pas juger? Si Jésus-Christ n'était tout ensemble fils de l'homme parce qu'il a pris la forme d'esclave, et fils de Dieu parce qu'il n'a point dépouillé la nature divine, saint Paul n'eût point dit des princes de ce monde que, s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de la gloire. 1 Corinthiens 2, 8. C'est en effet comme homme que Jésus-Christ a été crucifié, et néanmoins les Juifs ont crucifié le Seigneur de la gloire. Car le mystère de l'incarnation consiste en ce que Jésus-Christ est tout ensemble Dieu-homme, et homme-Dieu. Mais comment, et en quoi est-il Dieu? Est-il homme? Un lecteur prudent, pieux et attentif comprendra aisément avec la grâce de Dieu. Pour moi, j'ai déjà dit que comme Dieu il glorifie ses élus, parce que comme Dieu il est le Seigneur de la gloire. Toutefois il est vrai de dire que les Juifs ont crucifié le Seigneur de la gloire, puisqu'on peut dire que Dieu même a été crucifié non en la vertu de la divinité, mais en l'infirmité de la chair. 2 Corinthiens 13, 4. C'est aussi à Jésus-Christ comme Dieu qu'appartient le jugement, parce qu'il juge par l'autorité de sa divinité, et non par la puissance de son humanité. Néanmoins il doit comme homme juger tous les hommes, de même qu'en lui le Seigneur de la gloire a été crucifié. D'ailleurs il nous l'affirme ouvertement par ses paroles, « Quand le Fils de l'homme, dit-il, viendra dans sa majesté, et tous les anges avec lui, toutes les nations seront assemblées devant lui. » Matthieu 25, 31, 32. La suite du chapitre qui traite du jugement dernier confirme pleinement cette vérité. Les Juifs qui auront persévéré en leur malice, recevront en ce jugement la punition de leurs crimes, et, ils tourneront leur regard vers celui qu'ils auront percé, Zacharie 12, 10. Et en effet, puisque les bons et les méchants doivent également voir Jésus-Christ comme juge des vivants et des morts, il est certain que les pécheurs ne le verront qu'en son humanité. Mais alors cette humanité sera glorieuse, et non humiliée comme au jour de sa passion. Au reste, les pécheurs ne verront point en Jésus-Christ la divinité selon laquelle il est égal à son Père. Car ils n'ont pas le cœur pur, et Jésus-Christ a dit, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Or, voir Dieu, c'est le voir face à face, comme dit l'apôtre, 1 Corinthiens 13, 12. Et cette vision qui est la souveraine récompense des élus, n'aura lieu qu'au jour où Jésus-Christ remettra son royaume à Dieu le Père. C'est alors que toute créature étant soumise à Dieu, l'humanité sainte que le Fils de Dieu a prise en se faisant homme, lui sera elle-même soumise. Et en effet, comme homme, le Fils sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Mais si le Fils de Dieu se montrait comme juge dans la forme divine qui le rend égal à son Père, et s'il se montrait ainsi aux pécheurs, il n'aurait plus de raison de promettre à son fidèle et bien-aimé disciple, comme bienfait inestimable, qu'il l'aimera, et qu'il se montrera à lui. Jean 14, 21. Concluons qu'au dernier jour le Fils de l'homme jugera tous les hommes en vertu de l'autorité qui lui appartient comme Dieu, et non par la puissance de son humanité. Et toutefois, il est vrai de dire que le Fils de Dieu jugera aussi tous les hommes, seulement il n'apparaîtra point en la nature divine qui le rend égal au Père, mais en la nature humaine qu'il a prise en devenant le Fils de l'homme. Il est donc permis de dire et que le Fils de l'homme jugera, et que le Fils de l'homme ne jugera pas. Il jugera, puisqu'il a dit lui-même, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, toutes les nations seront assemblées devant lui. » Matthieu 24, 32. Et il ne jugera pas, afin que cette parole soit accomplie. Je ne jugerai point. Et cet autre. Je ne cherche point ma gloire, il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. Jean 12, 47, 8, 50. Bien plus, parce qu'au jour du jugement général, Jésus-Christ apparaîtra comme homme et non comme Dieu, il est vrai d'affirmer que le Père ne jugera pas, et c'est en ce sens que Jésus-Christ a dit, « Le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils. » Idem 5, 22. Quant à cette autre parole que j'ai déjà citée, « Le Père a donné au Fils d'avoir la vie en soi. » Idem 5, 26. Elle se rapporte à la divinité de Jésus-Christ et à sa génération éternelle. On ne pourrait donc l'entendre de son humanité dont l'apôtre a dit que Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Car évidemment l'apôtre désigne ici Jésus-Christ comme Fils de l'homme, puisque c'est seulement en cette qualité que le Fils de Dieu est ressuscité d'entre les morts. Égal comme Dieu à son Père, il a daigné s'abaisser jusqu'à prendre la forme d'esclave, et c'est en cette forme qu'il agit, qu'il souffre et qu'il reçoit la gloire. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ce passage de l'Épître aux Philippiens. Le Christ s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de son Père. Philippiens 2, 6, 11. Ce témoignage de l'apôtre se rapporte à Jésus-Christ comme homme, de même que cette parole, le Père a donné tout jugement au Fils, et l'on voit c'est qu'on ne saurait l'interpréter dans le même sens que celle-ci. Le Père a donné au Fils d'avoir la vie en soi. Autrement il serait inexact de dire que le Père ne juge personne. Car en tant que le Père engendre un Fils qui lui est égal, il juge conjointement avec lui. Il faut donc affirmer qu'au jour du jugement général Jésus-Christ apparaîtra en son humanité, et non en sa divinité. Ce n'est point que celui qui a donné tout jugement au Fils, ne doive aussi juger avec lui, puisque le Sauveur a dit, « Il en est un qui cherche ma gloire et qui juge », mais quand il a ajouté, « Que le Père ne juge personne », et qu'il a donné tout jugement au Fils, c'est comme s'il eût dit que dans ce jugement personne ne verra le Père, et que tous verront le Fils. En effet, parce que celui-ci est devenu Fils de l'homme, les pécheurs le verront, et ils tourneront leur regard vers celui qu'ils auront percé. Mais peut-être m'accuserez-vous d'émettre ici une pure conjecture plutôt qu'une proposition vraie et évidente. Eh bien, je vais m'appuyer sur le témoignage certain et évident de Jésus-Christ lui-même. Pour vous convaincre qu'en disant que le Père ne juge personne, et qu'il a donné tout jugement au Fils, il a voulu expressément marquer que comme juge il apparaîtra en la forme de Fils de l'homme, forme qui n'appartient pas au Père, mais au Fils. Forme en laquelle il n'est pas égal, mais inférieur au Père, mais qui lui permettra d'être vu des bons et des méchants, il suffit de lire le passage suivant. En vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne sera point condamné, mais il passera de la mort à la vie. Or, cette vie éternelle dont parle ici Jésus-Christ ne peut être que la vision béatifique dont les pécheurs sont exclus. En vérité, Continue-t-il, je vous dis que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, vivront. Jean 5, 24, 25. Mais il n'appartient qu'au juste d'entendre cette voix, c'est-à-dire de comprendre que par le mystère de l'incarnation le Fils de Dieu, ayant pris la forme d'esclave, est devenu ainsi inférieur à son Père, et néanmoins de croire fermement que comme Dieu, il est égal au Père. Au reste, c'est ce que Jésus-Christ lui-même nous propose de croire, quand il ajoute « Comme le Père a la vie en soi, ainsi il a donné au Fils d'avoir en soi la vie. » Puis il annonce qu'au jour du jugement général, il se manifestera aux bons et aux méchants dans tout l'éclat de sa gloire. « Car, le Père, dit-il, a donné au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. » Jean 5, 26, 27. Il me semble que cette démonstration est évidente, car Jésus-Christ étant comme Fils de Dieu égal à son Père, n'a point reçu en cette qualité le pouvoir de juger, puisqu'il le possède intrinsèquement avec le Père. Mais il l'a reçu comme homme, et c'est en qualité de Fils de l'homme qu'il l'exercera, et qu'il sera vu des bons et des méchants. Et en effet, les méchants pourront bien voir la sainte humanité de Jésus-Christ, mais la vue de sa divinité sera le privilège des bons qui auront le cœur pur. Et voilà pourquoi le Sauveur leur promet qu'il récompensera leur amour en se manifestant à eux. Aussi ajoute-t-il, ne vous en étonnez pas. Ah, sans doute, nous ne devons nous étonner que de voir des gens qui ne veulent pas comprendre les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il dit que son Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Selon eux, il eût dû dire, parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ étant comme Dieu égal à son Père, ne saurait être vu des méchants en sa divinité, et toutefois il faut que les bons et les méchants comparaissent devant lui, et qu'ils le reconnaissent pour juge des vivants et des morts. C'est pourquoi il dit, « Ne vous étonnez point, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront bien fait en sortiront pour la résurrection à la vie, mais ceux qui auront mal fait, pour la résurrection du jugement. » Jean 5, 28, 29. Ainsi, il devient nécessaire que Jésus-Christ reçoive comme Fils de l'homme le pouvoir de juger, afin que tous les hommes puissent le voir en cette forme qui le rend visible à tous, mais aux uns pour la damnation, et aux autres pour la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle, si ce n'est cette vision béatifique dont les pécheurs sont exclus? Qu'ils vous connaissent, dit le Sauveur, vous le seul Dieu véritable, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. Jean 17, 3. Mais cette connaissance de Jésus-Christ ne saurait être que celle de sa divinité, en laquelle il se manifestera au bon, et non la connaissance de son humanité, en laquelle il sera vu même des méchants. Selon que Jésus-Christ apparaîtra comme Dieu à ceux qui ont le cœur pur, il est bon, car le psalmiste s'écrie « Que le Seigneur est bon à Israël, à ceux qui ont le cœur pur. » Psaume 70, 1. Mais selon que les méchants le verront comme juge, ils ne sauraient le trouver bon, parce que toutes les tribus de la terre, loin de se réjouir en leur cœur, se frapperont la poitrine en le voyant. Apocalypse 1, 7. C'est aussi en ce sens que Jésus-Christ, étant appelé bon par un jeune homme qui l'interrogeait sur les moyens d'acquérir la vie éternelle, lui répond-il, « Pourquoi m'appelez-vous bon ? Dieu seul est bon. » Matthieu 19, 17. Sans doute, Jésus-Christ dans un autre endroit reconnaît que l'homme lui-même est bon, Car, l'homme bon, dit-il, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et du mauvais trésor de son cœur l'homme mauvais tire de mauvaises choses. Matthieu 12, 35. Mais le jeune homme dont j'ai parlé précédemment, cherchait la vie éternelle. Or, la vie éternelle est cette vision intuitive que Dieu n'accorde point aux méchants, et qu'il réserve pour être la joie des bons. De plus, il n'avait pas une idée nette et précise de celui auquel il s'adressait, et il ne voyait en lui que le Fils de l'homme. Aussi Jésus-Christ lui dit-il, « Pourquoi m'appelez-vous bon ?» C'est comme s'il lui eût dit, « Pourquoi appelez-vous bon l'homme que vous voyez en moi, et pourquoi me qualifiez-vous de bon maître ? En tant qu'homme, et tel que vous me voyez, je me manifesterai aux bons et aux méchants dans le jugement général, mais pour les méchants, cette manifestation ne sera qu'un premier supplice. Les bons au contraire seront ennemis à me voir en cette nature divine, en laquelle je n'ai pas cru que ce fût pour moi une usurpation de m'égaler à Dieu, et que je n'ai point quitté, lorsqu'en m'anéantissant moi-même, j'ai pris la forme d'esclave. Philippiens 2, 6, 7. Concluons donc que le Dieu qui ne se manifestera qu'aux justes, et qui les remplira d'une joie que personne ne leur ôtera, est le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est vers cette joie que soupirait le psalmiste quand il s'écriait, « J'ai demandé une grâce au Seigneur, et je la lui demanderai encore, d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour y contempler la maison du Seigneur. » Psaume 26, 4. Ainsi Dieu seul est excellemment l'être bon, parce que sa vue, loin de causer à l'âme quelque peine, ou quelque douleur, lui est un principe de salut et une source de joie véritable. Dans ce sens, et selon sa divinité, Jésus-Christ pouvait réellement dire, « Je suis bon ». Mais comme le jeune homme qui l'interrogeait, ne considérait en lui que l'humanité, il lui répondit avec non moins de raison, « Pourquoi m'appelez-vous bon ? Car si vous êtes du nombre de ceux dont un prophète a dit, qu'ils regarderont vers celui qu'ils ont percé, Zacharie 12, 10, la vue de mon humanité ne sera pour vous, comme pour eux, qu'une douleur et un supplice. » Cette parole du Sauveur, « Pourquoi m'appelez-vous bon ? Dieu seul est bon », et les autres textes que j'ai cités, me semblent prouver que cette vision qui est exclusivement réservée aux élus, et qui fera que l'œil de l'homme contemplera l'essence divine, n'est pas différente de celle que saint Paul nomme « face à face » 1 Corinthiens 13, 12, et dont l'apôtre saint Jean a dit « qu'elle nous rendra semblable à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est » 1 Jean 3, 2. C'est de cette vision que parlait le psalmiste quand il s'écriait « J'ai demandé une grâce au Seigneur, de contempler la beauté du Seigneur. » Psaume 26, 7. Et Jésus-Christ lui-même a dit, « Je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jean 14, 21. Aussi devons-nous purifier nos cœurs par la foi, car il est dit, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Une lecture assidue de nos Écritures et surtout le regard de l'amour nous fournirait encore sur cette vision béatifique 1000 textes et par ça et là, et non moins concluant. Mais j'en ai rapporté assez pour être en droit de conclure que cette vision est le bien suprême de l'homme, et que sa possession doit être le but et le terme de toutes nos bonnes œuvres. Quant à cette autre vision qui sera celle de l'humanité sainte de Jésus-Christ, et qui aura lieu, lorsque toutes les nations seront rassemblées devant lui, et que les pécheurs lui diront, « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim ou soif ? Il est certain qu'elle ne sera ni un bien pour les méchants condamnés aux flammes éternelles, ni le bien suprême pour les élus. Car le juge souverain les appellera à prendre possession du royaume qui leur a été préparé dès le commencement du monde. Allez au feu éternel, dira-t-il aux méchants. Et aux bons, venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé. Matthieu 25, 37, 41. Et alors, continue l'évangéliste, les méchants iront au feu éternel, et les bons à la vie éternelle. Or, la vie éternelle consiste, selon la parole du Sauveur lui-même, en ce qu'ils vous connaissent, vous le seul Dieu véritable, et Jésus-Christ que vous avez envoyé, mais Jésus-Christ vu en cette gloire, au sujet de laquelle il disait à son Père, « Glorifiez-moi de la gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût. » Jean 17, 3, 5. Ce sera aussi alors que le Fils remettra le royaume à Dieu, son Père, et que le bon serviteur entrera dans la joie de son Maître. Jésus-Christ cachera donc les élus de Dieu dans le secret de sa face, et il les protégera contre le trouble et l'effroi des hommes, c'est-à-dire des méchants que la sentence du souverain juge frappera de terreur et de consternation. Mais le juste n'aura rien à craindre parce que caché dans l'intérieur du tabernacle, c'est-à-dire en la foi de l'Église catholique, il sera à l'abri de la contradiction des langues, c'est-à-dire des calomnies des hérétiques. Il est permis d'expliquer autrement ces paroles. Pourquoi m'appelez-vous bon, et Dieu seul est bon? Et, on peut le faire en toute sûreté, et de diverses manières, pourvu qu'on ne croit point que le Fils, en tant qu'il est le Verbe par qui tout a été fait, est inférieur au Père en bonté. Ainsi ne vous éloignez point de la doctrine orthodoxe, et plus vous multiplierez les moyens d'échapper au piège des hérétiques, plus aussi vous les convaincrez victorieusement de mensonges et d'erreurs. Mais poursuivons ce sujet, en le considérant sous un autre aspect. Fin du livre premier. Markendanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.